De nuit, Ursus retourne devant la prison où l'a vu enfermé Gwynplaine, et peu après, assiste à l'enterrement. « Il est mort !» cria Ursus. Il tomba assis sur une borne. « Mort ! Ils l'ont tué ! Gwynplaine ! Mon enfant ! Mon fils !» Et il éclata en sanglots. Le mort, qu'on venait mettre en terre, c'était Artquanon, mais Ursus n'était pas forcé de le savoir. Plusieurs heures s'écoulèrent. Maître Nicless, peu rassuré, et entrevoyant des complications, méditait. Il regrettait d'avoir reçu chez lui, entre guillemets, ces gens-là. Brusquement, il eut à la porte de l'île un frappement tumultueux. Le tavernier, fort tremblant, entrebâilla son vasista. Il y avait un groupe de police, dont l'un était le justicier Corum. « Maître Ursus ?» L'hôtelier Bonnebas répondit. « Votre honneur, c'est ici !»« Le voilà !» Ursus, en effet, venait de paraître à un détour de mur. Il était pâle de deux pâleurs, de sa tristesse et du crépuscule. Le justicier Corum lui fit signe d'entrer dans la taverne. Ursus obéit. Le justicier Corum s'assit sur un banc devant une table. Barkilphedro prit une chaise. « Baladin, demain à la pareilleur, vous et votre loup, vous aurez quitté l'Angleterre. Sinon, le loup sera saisi, mené au greffe et tué. Partez par le premier bateau venu. Ce soir, il n'y aura plus une seule baraque de bateleurs sur cette place. » Le justicier Corum s'interrompit par un salut à Barkilphedro. L'honorable gentleman qui daigne être ici présent est arrivé cette nuit de Windsor. Il apporte des ordres. Sa Majesté a dit, il faut nettoyer cela.